jamais trop tard. Ils ont fait les États-Unis, ils ont fait l'Europe aussi. Oh oui, ils nous sont nous. Petit à petit, l'Afrique se fera. Petit à petit, l'Afrique se fera. Doni doni kono ninda nyala. Doni doni kono ninda nyala. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il y a eu la dictature, les partis uniques aussi. Aujourd'hui, multipartisme. Oh oui, ils nous sont nous. La démocratie. Petit à petit. La démocratie. La démocratie. Petit à petit. La démocratie. La démocratie. Yapel ki aduna, bonkala duna bimom, bonkala duna bimom. Amul gen kufide, amul gen kufide. Aduna bul khadi, aduna bul khadi. Samay morom den nanyo, samay moro am nanyo. Wande man mangi mui. Naka naka moi ya pagolo chinyai. Naka naka moi ya pagolo chinyai. Kon gañi assalamu alaykum ma len di yedd ci birum adina bo xamne bi le rek ni ku nek na muñ ni ku ci massa am tamit te yor na nga defé ndank ndank sa alal te xamne leppay jeex ci adina. Il n'est jamais trop tard. Mes amis sont tous partis. Il y en a d'autres à l'aventure. Oui, mais moi je suis là. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Mes amis ont des villas. D'autres même ont ta voiture. Oui, mais moi je m'en fous. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Pour mes amis qui pleurez aujourd'hui, sachez bien qu'il n'est jamais trop tard. Pour mes amis qui êtes à l'aventure, sachez bien qu'il n'est jamais trop tard. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. L'oiseau fait son nid. L'oiseau fait son nid. Pour mes amis, l'oiseau fait son nid. Jamais trop tard, l'oiseau fait son nid. La Côte d'Ivoire, il n'est jamais trop tard. Mes amis du Mali, il n'est jamais trop tard. Mes amis du Niger, il n'est jamais trop tard. Mes amis du Burkina, il n'est jamais trop tard. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donne, donne, et quand on est bagnanda. Abilifu, bilifu, bilifu. Kononi da janda. Bene vile sona yo. Obu mono diagan. Mi mebi bina dupe. Mebi na koso keke. Voiture vink, vink, vink, vink. Togo vio solano, kame mouden kbede. Tonye ojo le bonya, amende osi djekwe. Ye nye nyamu tjani. Faut pas se décourager, il n'est jamais trop tard. Kamele a ti kbato la kbakban Togo vio bimba fon Pleu, pleu Perde, perde C'est dans sa récord de New York. Llegarás a esa canción de estar petit a petit, l'oiseau fait son nid. Petit a petit, l'oiseau fait son nid.